Do you feel hot? No, I'm half baked. Il y a 4 mois j'existais pas, mais ça chacal c'était avant. Avant que la squale vienne t'avaler, avant que la squale vole le peur. Zéro piston gros, je suis un rat. Ils sont pas ravis de me voir grandir, ils ont les glandes. J'ai fait pas rire, je suis rigoureux, c'est des rageux. Il y a 4 mois j'existais pas, mais ça chacal c'était avant. Avant que la squale vienne t'avaler, avant que la squale vole le peur. Zéro piston gros, je suis un rat. Ils sont pas ravis de me voir grandir, ils ont les glandes. J'ai fait pas rire, je suis rigoureux, c'est des rageux. L'écureux rate le courant, Luna va voler la couronne. Son roi c'est Bendero, Richard 3 c'est Pancani. Hamlet, c'est Mister Snow, va pas snober sur son bateau. La squad t'embarque dans son récit, on est encore qu'au préambule. Mais j'arrive comme un bulldozer, plutôt osé. J'suis une galère, j'ai galéré moi pour manger. Le bitume, on sait ce que c'est, on sait ce qu'on veut, on sait ce que t'es, on sait ce qu'on vaut. Tu vas te vautrer, t'es pas fautif, t'es comme mon split. Le fumier va vous fumer. La plume, on la découvre, à 13 ans, j'découvrais le palais. Avant, c'était la guerre, c'était rue du Riz tout l'hiver. Chacal, t'es garé, c'était infime, fallait y aller. Avant, c'était avant, même le présent, c'est du passé. Moi j'existais pas, mais ça chacal c'était avant. Avant que la squale vienne t'avaler, avant que la squale vienne le peur. Zéro piston gros, j'suis un rat. Ils sont pas ravis de me voir grandir, ils ont les glandes. J'ai fait pas rire, j'suis rigoureux, c'est des rageux. Y'a 4 mois j'existais pas, mais ça chacal c'était avant. Avant que la squale vienne t'avaler, avant que la squale vienne le peur. Zéro piston gros, j'suis un rat. Ils sont pas ravis de me voir grandir, ils ont les glandes. J'ai fait pas rire, j'suis rigoureux.